comment il les rassurait. Voyait-il ces soldats effrayés par ce qu'on racontait sur la puissance des ennemis? Ce n'est pas en niant leurs forces ou en les dépréciant qu'il rassurait son armée, mais au contraire en les grossissant jusqu'au mensonge. Ainsi, l'approche de Juba ayant jeté la terreur dans tous les esprits, il assembla ses soldats et leur dit « Sachez que dans très peu de jours le roi sera devant vous, avec 10 légions, 30 000 chevaux, 100 000 hommes de troupes légères et 300 éléphants. Que l'on s'abstienne donc de toute question, de toute conjecture, et qu'on s'en rapporte à moi, qui suis bien informé. Sinon je ferai jeter les alarmistes sur un vieux navire, et ils iront aborder où les poussera le vent. »